J'imagine, j'imagine 10 millions de soldats chargés des munitions dans le dos. J'imagine qui doit saigner pour défendre les couleurs de leur drapeau. J'imagine des gars que peuvent faire les frontières. J'imagine que tout ce bordel c'est pour gagner un peu de terre. J'imagine ces familles entourées par un armée militaire. J'imagine la peur qu'elles doivent avoir quand tu prennes leur canon. J'imagine la déception quand tu vois brûler leur maison. J'imagine leur fatigue à tuer des innocents. J'imagine le massacre face aux yeux d'un enfant. J'imagine l'inquiétude que doivent avoir les parents. J'imagine un monde sans guerre. Je me rends compte que pour une fois cette douleur est sincère. J'imagine ce diable en train de tous nous assommer. J'imagine cet ange en train de tous nous réanimer. J'imagine les chasseurs d'humains qui cherchent leur proie. J'imagine que tout ça affirme que le monde est au plus bas. J'imagine la tête qui doit avoir si tu en leurs proches. J'imagine que dans le fond tout le monde sait que c'est moche. J'imagine la facilité qu'ils ont à tirer sur l'adversaire. J'imagine la difficulté de la mère que n'est pas héréditaire. Doucement c'est eux qui ont jeté la première pierre. J'imagine que bien sûr ça va se finir au revolver. J'imagine les litres de larmes versées sur le cadavre. J'imagine que tous ces toits se transforment en épave. J'imagine un monde sans guerre. Et je me rends compte que pour une fois cette douleur est sincère. J'imagine un monde sans guerre. Je me rends compte que pour une fois cette douleur est sincère. J'imagine que les munitions s'utilisent comme des petits pains. J'imagine que les innocents ont rarement le ventre plein. J'imagine coupables mangent à leur faim. J'imagine leurs gens tremblantes quand ils pensent au lendemain. Encore faut-il qu'ils en aient un. J'imagine cette guerre qui nous semble de mauvais parfum. J'imagine un gosse à peine 7 ans marcher sur le flaque de sang. J'imagine qu'après un meurtre le nu sera pas impressionnant. J'imagine les rescapés en train de regarder à la télé et apercevoir les tueurs défiler à l'Elysée. J'imagine que leur vie est moins importante que les ordres du colonel. J'imagine que sans les différences la vie serait plus belle. J'imagine, je me rends compte que pour une fois cette douleur sincère.